CRS. Et je viens juste d'arriver à l'école des études, donc je découvre notamment le séminaire politique des sciences, même si j'ai assisté aux premières séances il y a très très longtemps, alors que j'étais un jeune précaire dans l'amphifuré, je m'en rappelle. Bref, passons. Donc je vais animer la séance aujourd'hui avec Francis Château-Renaud, que je ne présente pas, évidemment. Ou pas enfin, si, je peux. Directeur d'études à l'école des études en sciences sociales, sociologue. Le fondateur du groupe de sociologie climatique qui est affectif. Absolument. Qui résiste toujours. Qui résiste, voilà. Bon, petit village de résistants de l'autre côté du boulevard. Donc c'est une séance un peu particulière que je vais ouvrir aujourd'hui. En deux parties. La première donc, s'intitule Réforme antidémocratique et alignement en cascade dans l'ESR, un titre très château-rénalien, vous l'avez reconnu. Comment longuement négocié. Comment réinventer des prises critiques. Donc aujourd'hui, c'est une espèce d'état des lieux, des luttes actuelles et passées dans l'ESR que nous allons essayer de mettre en discussion, en partage. Quelques mots sur, disons, l'historique de l'organisation de ces deux séances, la prochaine étant consacrée à éventuellement des actions, on verra si on arrive à lancer ce genre de discussion. Tout est venu en fait de discussions par mail cet été avec Michel et Francis. C'était l'effervescence post-élection, si je puis dire, il faisait encore très chaud. Et on réfléchissait, on était tous un peu pris par ce qui se passait dans l'ESR, notamment les premières gesticulations de la Macronie dans le monde universitaire, avec les premières nominations, les premières velléités d'action du gouvernement sur l'université. On réfléchissait à comment relancer éventuellement des opérations critiques, comment se ressaisir après une nouvelle défaite en 2017. Et au même moment, je participais aux Amphilétés, qui est un révélateur intéressant, pour moi en tout cas, de la France Insoumise à Marseille, où il y a eu pas mal de discussions excessivement intéressantes, en tout cas autour de l'ESR, notamment dans une conférence à laquelle j'avais participé. Et à l'époque, on discutait de ça avec Francis et Michel. Et on s'était dit, mais pourquoi pas relancer une discussion, pour le coup très politique, sur ces questions. Donc pas simplement faire de la contre-expertise, même si c'est excessivement important, de l'enquête sur l'état des lieux, etc. Pourquoi pas aussi, approfondir des initiatives qui soient, pour le coup, authentiquement politiques. En tout cas, politisées, pour essayer d'avoir beaucoup plus prise avec ce qui se passe dans l'ESR, sachant que je me suis replongé dans la littérature depuis 10 ans, cet ouvrage qui date de 2009, on trouve plein de choses, et les capacités critiques de la communauté ont été largement atteintes, l'usure, la fatigue, on a avalé tellement de couleurs depuis des années, et disons, on réfléchissait sur comment faire en sorte qu'on relance la machine, et l'option qui était la mienne, après on pourra en discuter, c'était de politiser à fond, d'y aller vraiment, franchement. Donc de sortir un peu de cette torpeur universitaire dans laquelle j'ai pu aussi somnoler. Et donc ça, c'était les discussions qu'on avait. Donc émerge l'idée de ces deux séances sans invitation véritable. Au départ, je voulais solliciter les amis de Rogue ESR, que vous connaissez peut-être, c'est un petit collectif anonyme auquel je contribue. On a publié quelques tribunes, en fait on est 3 ou 4, c'est très, très réduit. Pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle, mais un petit peu après aussi, dès qu'il y avait en gros une avancée macronienne dans le domaine des sciences, on publiait une tribune. Voilà. Et très vite, on s'est fatigué d'ailleurs, hein, parce que c'est ce rythme-là, avec Make our Planet Great Again, etc. Toutes les semaines, on aurait dû publier une tribune. C'était un peu fatigant. Bref, donc je voulais inviter les copains de Rogue qui ont quelques idées sur comment relancer la machine par des réseaux un peu cryptés, cryptiques, clandestins. Ça fait partie des choses qu'on va aborder tout à l'heure avec Francis, dans le cadrage un peu politique. Il se trouve que ça sera moi qui les représenterai, même si représenter un groupe qui est anonyme et clandestin, c'est un peu bizarre. Mais... Donc, il y a la dimension Rogue. Depuis... Il y a un certain nombre de textes qui ont circulé. Alors, je pense notamment à celui de Johanna Simeon Germanus, qui nous fait le plaisir de venir présenter aujourd'hui un exposé qui s'intitulera « Il ne suffit plus de ne pas être dupe ». Et tout est venu en fait d'un texte que tu as publié en janvier. 6 janvier. Démolition. Juste après le Nouvel An, c'était... Démolition. J'ai plombé un peu. Super plombé. Et en même temps, parce qu'on est tous un peu plombés, ça a fait sens quoi, en termes de partage. Et c'est vrai que ça a été beaucoup partagé. Il a beaucoup circulé le texte. Donc on s'est rapproché de toi à ce moment-là, justement pour nourrir ces deux séances. On s'était dit que là, il y avait un élément de vérité, d'expérience qui était hyper intéressant à travailler, en termes de ressenti, de l'état de crise que l'on vit perpétuel depuis des années. Donc de qu'est-ce qui peut naître après la démolition, je pense qu'on va y réfléchir aujourd'hui. D'autres textes qui peuvent nous nourrir encore, il y a le texte « L'avenir en commun ». Alors là, pour le coup, on politise à fond, hein. C'est la France insoumise, qui est représentée aujourd'hui par Jean-Louis Bauturel, qui est co-animateur du livret ESR de la France insoumise, que vous connaissez peut-être, sans doute, enfin je ne sais pas. Jean-Louis va évoquer l'état des lieux de réflexion à la France insoumise sur l'ESR, mais aussi comment a été élaboré le livret, comment il est actualisé aujourd'hui. Et là, on est vraiment dans le champ politique. Je pense que ça serait intéressant de faire ce pont. Et avec d'autres discussions que tu évoqueras tout à l'heure sur comment on coalise au-delà aussi de France insoumise. Et ta contribution s'intitulera « Économie de la connaissance et soumission du savoir ». C'est cash. Et parmi les contributeurs auxquels nous avons pensé immédiatement, Bruno Andreotti, physicien, spécialiste des milieux granulaires. C'est un peu l'université. Copier Wikipédia. Mais complètement. Mais c'est hyper autorisé comme référence, ouais. J'imagine. Et donc, Bruno... tu te présenteras, hein, j'en dis pas beaucoup plus pour te situer, mais on verra d'où tu parles et comment tu parles sur ces questions-là. Et ton exposé s'intitulera Rater encore, rater mieux. Et ça fait un certain temps que tu es investi dans la critique, hein, des transformations de l'ESR. J'ai vu ton nom, hein, dans les remerciements de cet ouvrage, donc tu connais bien la question. Donc ça c'est pour la présentation des intervenants et à peu près l'historique. Il n'y a pas vraiment de cadrage, c'est très informel, je voulais que ça soit très spontané d'ailleurs, c'est très spontané la présentation, trop d'ailleurs. Donc je ne sais absolument pas ce qui va émerger de nos discussions. Il n'y a pas eu de véritable concertation en amont, on n'a pas imposé des thématiques, des axes à traiter impérativement. Donc la voie est libre et les exposés vont se succéder. Il faut y avoir des séquences de réflexion et de questions juste après. Vous avez 30-40 minutes pour déployer vos argumentaires, et après, évidemment, on mettra un petit peu en discussion collectivement. Je passe la parole à Francis, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je peux dire un mot pour replacer dans la série du séminaire, qui est quand même un séminaire qui a été créé en 2009, à l'issue du mouvement contre... Pécresse et ses réformes, enfin en pleine Sarkozy, grâce notamment à Christian Topalov, ici présent, Michel Barthélémy, Sophie Desrosiers et quelques autres, on a eu besoin de dire il faut qu'on maintienne dans la durée quelque chose, qu'on ne peut pas simplement sortir, voilà, arrêter de tourner. Vous savez, il y avait la ronde des obstinés en face devant la mairie de Paris, et puis au dernier, à la fin, il y avait plus de 2 ou 3 obstinés qui tournaient, enfin, c'était un peu pathétique. Comme toujours, la fin des mouvements comme ça. Et à la rentrée 2009, on a donc créé ce séminaire politique des sciences. Et je dois dire qu'il a tenu la route, hein, presque bon, 9 ans. On fêtera les 10 ans l'année prochaine. Michel a assuré avec le carnet de recherche, donc pds.hypothèse.org, sur la plateforme, qui est une plateforme en plus liée au CNRS et à l'EHESS, qu'on aime bien. Même si aujourd'hui Marana Kos a changé un peu d'orientation, mais c'est enfin, comme ça, les nouvelles technologies mènent à tout. En tout cas, sur hypothèse.org, il y a toutes les archives. Donc effectivement, certaines séances, il n'y a pas les enregistrements parce que soit les participants n'ont pas souhaité, mais il y a des ressources, il y a des résumés, il y a toutes sortes de choses. des transcriptions parfois. Oui. Et ça fait une belle archive, je trouve, où on voit l'histoire se tracer. Alors, on n'est pas les seuls, hein. il y avait des membres souvent l'université, SLU, qui a beaucoup suivi aussi. Bon, c'est pas mal documenté, il y a toutes sortes de collectifs, t'as dit Rogue SR, on a aussi Nous sommes l'université, on a reçu un joli mail tout à l'heure. Il y a plein de groupes comme ça. Alors moi, ça m'a inspiré des réflexions parce que depuis le temps qu'on fait ça, ça pose la question de à quoi ça sert. Parce que, enfin, il y a un collègue sociologue qu'on aime bien qui s'appelle Daniel Seffay qui a fait un gros bouquin qui s'appelle Pourquoi se mobilise-t-on ? Alors il répond pas à la question en fait. Mais il examine toutes les théories de mobilisation depuis le début, et c'est assez c'est fouillé, moi j'adore ce livre. Et c'est vrai que parfois on se pose la question. Et donc dans ce séminaire, on en a vu des vertes et des pas mûres, puis on a passé surtout des configurations différentes. Là on est à nouveau dans une période donc turbulente, on va dire, pour un minima. Les universités, un certain nombre d'universités sont bloquées par les étudiants, il y a une colère qui monte, il y a des propositions de convergence. Donc moi, ça m'évoque des choses qu'on a pu faire dans nos travaux, sur au fond les transformations de la critique ces 10-20 dernières années. Et je suis à titre personnel pessimiste, mais sociologiquement plutôt optimiste. C'est-à-dire que je ne présente pas une sociologie qui annonce l'apocalypse, la fin de l'eau, etc. Je pense qu'il y a plein de possibilités, simplement on ne les utilise pas toujours. Voilà. C'est l'avantage aussi des collectifs, c'est que ça peut tourner, que ce n'est pas toujours les mêmes qui font le truc. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 5 formes de résistance qui sont à l'œuvre et qui effectivement sont pour l'instant assez peu articulées dans les milieux qui nous intéressent, à savoir enseignement supérieur et recherche, et puis évidemment tout ce qui va autour. L'invention de micro-monde, tu viens d'en donner un bon exemple, tu dis on était 3 ou 4, on a fait un truc, il y a plein de gens qui font ça, qui réinventent un micro-monde, et ça, tant qu'il y aura ça, comme dirait Michel Le Certeau, il se passera quelque chose. Quoi. Il y a des interstices, il y a des trous, et il faut y aller. C'est-à-dire que moi, je ne mets pas ça, comment dire, de manière en le méprisant, en disant c'est des petits trucs, des petits machins. Il faut toujours qu'il y ait un renouvellement par les petites formes. Travailler avec des collègues sur la permaculture, sur des trucs comme ça, au début ça fait rire tout le monde, puis ça fait, bon voilà, ça c'est rhizomatique plus ou moins. Donc pour moi c'est important de bien prendre en compte toutes ces initiatives et de ne pas les traiter par le mépris ou le cynisme. La deuxième forme c'est l'activisme au sens large des hacking qui aujourd'hui est quand même une pratique qui sort de partout, y compris de la... Des agences de renseignement américaines, puisqu'on a eu Snowden. Donc ça hack, c'est-à-dire qu'il y a des fuites, il y a des leaks, il y a toujours des gens pour sortir des trucs, pour aller fouiller, rentrer dans les trucs. Et c'est encore autre chose, c'est pas forcément les mêmes. Voilà. Et nous, par exemple, on a vu des pièces du projet PSL, le fameux grand établissement d'excellence super génial là, piloté par Alain Fuchs, il y a eu des gens qui ont balancé des trucs. Donc voilà, ça existe et ça peut rendre des services. Et vous voyez que si les micro-mondes arrivent à se connecter à cet activisme, déjà ça fait quelque chose. Il y a une troisième forme qui est celle qui appelle de ses voeux notre ami Ruffin, l'ami Ruffin, le monsieur le député, pas plus tard qu'hier soir, la Fédération des causes, qui est un thème de la sociologie, comment les gens portant des enjeux, des intérêts différents arrivent à fédérer. C'est des processus qui se produisent un peu partout dans le monde, hein. C'est pas que franco-français, hein. C'est bien, hein. On occupe pas la démocratie des places, comme dirait Yves Cohen, etc., qui peuvent atteindre une certaine puissance d'expression, donc c'est quelque chose qui est important. Les contre-pouvoirs organisés à ne pas mépriser, présents dans les conseils d'administration, dans les conseils scientifiques, dans les conseils d'orientation, etc., il y a des gens qui y sont, qui ont une délégation. Et je crois qu'il ne faut pas les traiter là aussi comme un truc de l'ancien monde, mais au contraire faire fonctionner. Là, on a une espèce de puzzle à 5 niveaux. Et puis évidemment, mais là, on a un représentant de ça, c'est la création de nouveaux mouvements politiques. Alors, moi, je parle plutôt d'alliances politiques, essayant d'éviter précisément qu'il y ait un peu capture et monopolisation, et avec les problèmes qu'on connaît, de façon à faire apparaître des entités alternatives dans l'espace politique. Et renouveler au fond le jeu. Et le problème, je pense, face auquel nous sommes, c'était juste pour lancer la discussion, alors après on va voir, c'est que justement ces 5 éléments dont on a besoin fondamentalement pour vraiment résister à une machine qui écrase tout, enfin, parce que je crois qu'on est tous d'accord, on a déjà eu plein de trucs, tu l'as dit, voilà, le diagnostic, on finit par ne plus le supporter, même, tellement c'est... c'est plutôt le prendre par l'autre côté, moi je proposais. Elles ne convergent pas vraiment, pour des raisons qu'on peut évidemment exposer à la discussion et on y reviendra. L'an passé, on avait une très belle séance avec des collègues sur la question de la reconnaissance. Hein, on avait identifié des pathologies professionnelles des milieux d'enseignement supérieur de la recherche qui est le problème de la reconnaissance jamais satisfaite et sur lequel jouent les pouvoirs à fond. Hein, évidemment, pour provoquer des différences, provoquer des adhésions aussi par la quête de reconnaissance. Donc, on avait revu les théories de la reconnaissance qui sont assez connues, Axel Honneth, etc., Fraser, enfin tout ça, et on avait regardé comment se situer par rapport à ces questions-là. Et là, il y a des défenses à développer, je pense. Bref, il y a plein de choses à mettre sur la table pour éviter justement de rester un diagnostic pessimiste et défaitiste. Et je pense que c'est le but de ces deux séances, d'essayer de retrouver au fond des points d'articulation comme ça. Voilà, c'est juste pour chauffer la. Donc, je ne sais plus dans quel ordre on avait décidé. Joanne, tu peux commencer.